Le Sefer de Jésus. Ou Évangile de Barnabé. Anglais 1907, Gospel of Barnaba. Italien 1709, Evangelio di Gesù Cristo da Santo Barnaba, Apostolo di Gesù Nazareno, chiamato Cristo. Table des matières. L'enfantement. L'agneau. Rôle prophétique. Les traîtres. Faux sacerdoce.